plein d'une superbe folie, ce peuple au front audacieux s'est dit un jour, Dieu m'humilie, soyons à nous-mêmes nos dieux. Notre intelligence sublime a sondé les cieux et l'abîme pour y chercher ce grand esprit, pour y chercher ce grand esprit. Mais ni dans les flancs de la terre, ni dans les feux de la sphère, son nom pour nous ne fut écrit, son nom pour nous ne fut écrit. Nous enseignons au monde à briser le sceptre des rois. Déjà notre audace profonde se rit du joug usé des lois. Secouez malheureux esclaves, secouez d'indignes entraves. Rentrez dans votre liberté, rentrez dans votre liberté. Mortel du jour où tu respires, ta loi c'est ce que tu désires. Ton devoir, c'est la volupté. Ton devoir, c'est la volupté. Franchis l'espace, tes calculs précèdent le temps. La foudre cède à ton audace, les cieux roulants de tes chars flottants. Comme un feu que tout alimente, ta raison sans cesse croissante s'étendra sur l'immensité, s'étendra sur l'immensité. Et ta puissance qu'elle assure n'aura de terme ni de mesure. L'espace et l'éternité, que l'espace et l'éternité. Quel souffle aride de notre âge assécher les fleurs. Et quoi, le lourd compas d'Euclide étouffe nos arts enchanteurs. Élan de l'âme et du génie décalcule la froide manie. Cher à nos pères vous remplacera, cher à vos pères vous remplacera. Ils posèrent sur la nature le doigt glacé qui la mesure. La nature se glaça, et la nature se glaça. Lavons dans nos larmes amères tant d'irréparables affronts. Comme les fils d'Héliodore, rassemblons du soir à l'aurore les débris du temple abattu, les débris du temple abattu. Et sous ces cendres criminelles, cherchons encore les étincelles du génie et de la vertu, du génie et de la vertu.